société mère et direction de fait d'une filiale. Une société mère, à la tête d'un groupe de sociétés, restructure le groupe, ce qui entraîne la fermeture du site exploité par une filiale et sa mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire poursuit alors la société mère en paiement de l'insuffisance d'actifs, soutenant qu'elle était dirigeante de fait de la filiale. La Cour de cassation a rejeté cette demande en relevant que les dirigeants de la filiale étaient restés maîtres de la gestion de l'entreprise dans le cadre de la politique de groupe. Ils avaient eux-mêmes mis en œuvre les opérations de restructuration décidées par la société mère. Leur proximité avec la société mère, ils en étaient salariés, tenait au contrôle normal par celle-ci de l'activité de ses filiales et sous-filiales, inhérent à l'existence d'un groupe. Enfin, la spécialisation de la production organisée par la société mère dans le groupe ne conduisait pas celle-ci à déterminer les prix d'achat et de vente, et il n'existait pas de gestion commune du personnel. Oui, et dans de telles situations assez complexes, il faut retenir que la notion de groupe de société implique un contrôle de la société mère sur ses filiales et une stratégie commune initiée par la mère qui ne se confonde pas automatiquement avec une direction de fait.